Pater Noster, Altstimme. Eins, zwei, drei. Du, du, du, du, du, du, du, du. Eins, Pater Noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveat regnum tuum. Tu du du, tu du du, tu du du. Sicut in cielo, tu du du terra se du du du du du du du du du. Nostrum quotidianum da nobis hodie, dimitte nobis debita nostra, sicut dimimus debiri nostris. Et ne nos induce